Le Cercle Rouge par Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. Eh bien non, Mrs. Warren, je ne vois là pour vous aucun motif réel d'inquiétude, ni pour moi, dont le temps est précieux, aucune raison d'intervenir. Vraiment, j'ai d'autres chats fouettés. Ayant ainsi parlé, Sherlock Holmes se retourna vers le grand album dans lequel il classait des documents récents. Mais la logeuse avait l'obstination et aussi la malice de son sexe. Elle ne broncha pas. L'an passé, vous avez arrangé une affaire pour un de mes locataires, M. Fairdale Hobbs. Je sais que vous pourriez, si vous le vouliez, me venir en aide. Holmes était accessible d'une part à la flatterie et d'autre part, soit dit pour lui rendre justice, au sentiment qu'on aimait de sa complaisance. Sous l'empire de cette double force, il posa, d'un air résigné, son pinceau à colle et reculant sa chaise. Voyons, voyons, Mrs. Warren, contez-nous ça. Vous permettez, n'est-ce pas, que je fume? Merci, Watson, les allumettes. Vous vous tourmentez, à ce que je crois comprendre, parce que votre locataire reste enfermé dans sa chambre et que vous ne le voyez jamais. Eh, mon Dieu, si j'étais votre locataire, Mrs. Warren, vous passeriez souvent des semaines sans me voir. Sans doute, monsieur, mais ceci est différent. Ceci m'épouvante, monsieur Holmes. Je n'endors plus. L'entendre aller et venir d'un pas rapide depuis le matin, la première heure, jusque très tard dans la nuit, et cependant ne jamais l'entrevoir, c'est pour mes nerfs un intolérable supplice. » Holmes se pencha, allongea sur l'épaule de la dame ses longs doigts minces. « Pour m'occuper de l'affaire, j'ai besoin d'en connaître tous les détails, » dit-il. « Prenez le temps de la réflexion. La moindre particularité peut être essentielle. Vous dites que l'homme se présenta chez vous il y a 10 jours et qu'il vous payait d'avance une quinzaine, logement et nourriture. » « Il s'informa des conditions, monsieur. Je demandais 50 shillings par semaine. » L'appartement comprend 2 pièces garnies à l'étage supérieur, un petit salon et une chambre. Et alors, il me dit, « Je vous paierai 5 livres par semaine si vous acceptez mes conditions à moi. » Je suis, monsieur, une pauvre femme, pour qui l'argent a de la valeur, car mon mari ne gagne qu'un maigre salaire. L'homme, tout en parlant, me tendait un billet de 10 livres. « Vous pouvez, me dit-il, pendant très longtemps avoir le même chaque quinzaine. Il suffit que vous observiez mes conditions sans quoi je romprai tout de suite. » Ces conditions en quoi consistaient-elles? D'abord, monsieur, je lui remettrai une clé de la maison. Rien à dire quant à ça, la plupart des locataires ont la leur. Puis il voulait qu'on le laissât toujours seul et qu'on ne le dérangeât sous aucun prétexte. Cela, n'est-ce pas, peut se comprendre. Oui, dans une mesure raisonnable. Mais voici qui dépasse la limite. Il est là depuis 10 jours, et ni monsieur Warren, ni moi, ni la bonne, ne l'avons un tant soit peu aperçu. Nous l'entendons la nuit, le matin, l'après-midi, arpenter vivement sa chambre, mais sauf le soir de son arrivée, il n'a jamais mis les pieds hors de la maison. Ah, vous dites qu'il sortit le soir de son arrivée? Oui, monsieur. Et il revint tard, alors que nous étions couchés. Il m'avait d'ailleurs averti en retenant l'appartement et m'avait prié de ne pas mettre le verrou à la porte. Je l'entendis monter l'escalier après minuit. Mais ses repas? Nous devons, quand il sonne, les lui laisser sur une chaise devant sa porte. Il sonne de nouveau quand il a fini, et nous retrouvons le couvert sur la chaise. S'il veut autre chose, il écrit sa demande en caractère d'imprimerie, sur une feuille qu'il laisse toujours au même endroit. En caractère d'imprimerie? Oui, monsieur, tracé au crayon. Juste un mot, pas davantage. Voici un de ces mots, que j'ai porté pour vous les montrer. Soap, S-O-A-P. En voici un autre, Match. Et voici celui qu'il laissa le premier matin, Daily Gazette. Je lui montre tous les matins ce journal avec son petit déjeuner. « Qu'en pensez-vous, Watson ?» dit Holmes, considérant avec une vive curiosité les feuilles de papier ministre. « J'en pense que l'individu veut cacher son écriture. Mais quelle importance peut-il y avoir pour lui à ne pas laisser un mot de son écriture entre les mains de la logeuse? J'admets cependant que vous ayez raison. Dans ce cas, pourquoi des messages aussi laconiques? Je ne vois pas. Amusante matière à exercer son intelligence. Les mots sont tracés avec un crayon violet à large pointe et d'un modèle assez peu ordinaire. Vous observerez que cette feuille a été déchirée sur le côté une fois le mot écrit, de sorte que le S de soap manque en partie. Et cela, n'est-ce pas, Watson, est significatif? De prudence? De prudence. Il y avait là sans nul doute une marque, la trace d'un pouce, je ne sais quoi, qui dut faciliter plus ou moins l'identification. Voyons, Mrs. Warren, votre pensionnaire serait, m'avez-vous dit, un homme de taille moyenne, brun et portant la barbe en pointe. Quel âge lui donnez-vous? Pas plus de 30 ans. Il paraît très jeune. Bon, pourriez-vous me fournir d'autres indications? Il s'exprimait en bon anglais, monsieur, mais avec un accent étranger. Et il était bien habillé. Avec élégance, comme un gentleman. Il ne reçoit pas de lettres, pas de visites, aucune. Mais sûrement, vous ou la bonne entrez parfois le matin dans sa chambre. Non, monsieur, il s'occupe seul de lui-même. Bizarre, en vérité. Et son bagage? Il avait un grand sac marron, simplement. Tout ça ne peut nous mener bien loin. Vous dites que rien n'est sorti de la chambre, absolument rien. La logeuse prit dans un sac à main une enveloppe dont elle fit tomber sur la table deux allumettes et un bout de cigarette. J'ai trouvé ceci tout à l'heure sur le plateau, et je voulais apporter, sachant que vous lisez de grandes choses dans les petites. Holmes haussa les épaules. Aucun indice à tirer de là. Les allumettes ont servi, bien entendu, à allumer des cigarettes, car elles ont très peu brûlé, et il faut la moitié d'une allumette pour allumer une pipe ou un cigare. Eh, mais attendez donc, ce bout de cigarette est curieux. Vous m'avez dit que votre gentleman porte la barbe et la moustache? Oui, monsieur. Je ne comprends pas. Seul un homme rasé pourrait, il me semble, avoir fumé cette cigarette. Et lui griller votre semblant de moustache, Watson. Un porte-cigarette, suggérai-je. Non, car elle est aplatie au bord. Je suppose qu'il ne peut y avoir de personne dans l'appartement, Mrs. Warren. Oh, monsieur, mon pensionnaire mange si peu que je me demande souvent comment il fait pour vivre. Eh bien, je crois que nous devons attendre d'être mieux documentés. J'ai pris la chose en main, je veille. S'il se produit du nouveau, venez me le dire. En cas de besoin, comptez entièrement sur moi. Et quand la logeuse fut partie? Certainement, Watson, me dit Holmes, il y a dans tout ceci quelques points intéressants. Il se peut que nous ayons simplement affaire à un excentrique. Il se peut aussi que le cas soit plus grave qu'il n'en a l'air. Le point qui frappe tout d'abord, c'est que la personne qui occupe l'appartement peut très bien n'être pas la même qu'il a louée. Qu'est-ce qui vous le ferait croire? Sans parler du bout de cigarette, ne trouvez-vous pas remarquable que l'unique sortie du pensionnaire ait eu lieu sitôt après la location de l'appartement? Il rentra, ou plutôt, quelqu'un entra dans la nuit en l'absence de tout témoin. Rien ne nous prouve que la personne entrée à ce moment et la personne sortie auparavant fussent la même. Puis l'homme qui retint l'appartement s'exprimait en bon anglais. Cependant, je lis sur cette feuille match, quand il devrait y avoir au pluriel matches. J'imagine que le mot dut être pris dans un dictionnaire n'indiquant pas le pluriel des noms. Ce style laconique masque peut-être une totale ignorance de l'anglais. Oui, décidément, Watson, je croirais volontiers à une substitution de pensionnaire. Motivé par quoi? C'est là que j'ai le problème. Nous avons d'ailleurs une ligne toute tracée pour nos recherches. Il prit le grand album dans lequel il collectionnait jour par jour la petite correspondance des journaux de Londres. La personne en question est seule. Et une lettre ne la joindrait pas sans violer le secret absolu dont elle s'enveloppe. Dans ces conditions, comment lui arriverait-il des nouvelles du dehors? Par la petite correspondance d'un journal, évidemment. Je n'aperçois pas d'autre voie. En ce qui concerne le journal, nous sommes fixés. Voici les coupures de la Daily Gazette pour la dernière quinzaine. La dame au bois noir du Prince Skating Club. Passons. Sûrement Jimmy ne voudra pas briser le cœur de sa mère. Rien de commun avec ce qui nous occupe. Si la dame qui s'évanouit dans l'autobus de Brixton, elle ne m'intéresse pas. Tous les jours, mon cœur languit. Fadaise. Ah, voici qui devient possible. Écoutez. Patience. Trouverons quelques surmoyens de communiquer. En attendant, ce journal. J'ai... La note a paru 2 jours après l'arrivée du pensionnaire chez Mrs. Warren. Vous sentez le rapport de vraisemblance? Notre mystérieux personnage, même s'il n'écrit pas l'anglais, peut le comprendre. Voyons si nous reprenons la trace. Oui. 3 jours plus tard. Suis en train de ranger tout pour le mieux. Patience et prudence. Nuages passeront. J'ai. Puis rien pendant 1 semaine. Et enfin, quelque chose de plus précis. Chemin se dégage. Si je trouve moyen de communiquer par signe, rappelez-vous code convenu 1A, 2B et ainsi de suite. À bientôt, nouvelle. Ceci est d'hier. Rien aujourd'hui. En somme, tout dans cette correspondance me paraît s'appliquer au pensionnaire de Mrs. Warren. Patiente aussi, Watson. Nul doute que d'ici peu l'affaire ne s'éclaircisse. Mon ami avait raison, car le lendemain matin, je le trouvais debout près de la cheminée, le dos au feu, le visage rayonnant. « Que pensez-vous de ceci, Watson ? » cria-t-il en prenant sur la table un numéro de la Daily Gazette. « Grande maison rouge à parements de pierre blanche. » 3e étage, 2e fenêtre à gauche, tombée de la nuit. J'ai. Voilà Kenneth. Nous devrions, je crois, après le déjeuner, aller faire du côté de chez Mrs. Warren une petite reconnaissance. » Il n'avait pas achevé ses paroles que notre cliente faisait une entrée précipitée dans la chambre. Son état d'agitation annonçait de graves événements. « À vous, Mrs. Warren. Eh bien, quelle nouvelle ?»« C'est la police que ça regarde, Monsieur Holmes, » cria-t-elle. « J'en ai assez. Qu'il décampe avec son bagage. Je serais monté tout droit pour le lui dire si je n'avais jugé plus honnête de courir vous consulter. Ma patience est à bout. Et puisqu'on en vient à battre mon mari, à battre Monsieur Warren, à le malmener, tout au moins. Mais qui donc l'a malmené ? Eh, voilà la question. C'était ce matin, monsieur. Mon mari, contrôleur de la compagnie Morton et Waylight, sort régulièrement de chez nous avant 7 heures. Ce matin, il n'avait pas fait 10 pas sur la chaussée que brusquement, 2 hommes qui le suivaient lui emprisonnèrent la tête dans un manteau et le déposèrent comme un paquet au fond d'un cab arrêté contre le trottoir. Il lui fit faire ainsi un trajet d'une heure, puis ils ouvrirent la portière et le jetèrent dehors. D'abord, il resta couché sur la route, si étourdi qu'il ne vit pas ce que devenait le cab. En se reprenant, il constata qu'il était dans Hampstead Heath. Alors, il rentra chez nous par l'autobus, et je viens de l'y laisser sur un canapé le temps de vous conter cette histoire. Très intéressant, dit Holmes. A-t-il pu observer ses agresseurs ? Non. Il est d'ailleurs comme hébété. Il sait tout juste que les hommes pouvaient à la rigueur être 3. Et d'après vous, cette agression aurait quelque rapport avec votre pensionnaire ? Nous habitons la maison depuis 15 ans et c'est la première fois que pareille chose arrive. L'argent n'est pas tout. J'en ai assez de mon individu. J'entends qu'avant la fin du jour, il déguerpisse. Là, là, Mrs. Warren, n'allez pas trop vite en besogne. Je commence à croire que cette affaire a plus d'importance qu'elle n'en présentait à première vue. Évidemment, un danger menace votre pensionnaire. Évidemment aussi, ses ennemis, qui le guettaient à votre porte, ont pris votre mari pour lui, dans la lumière brumeuse du matin. Et ils l'ont relâché en reconnaissant leur méprise. Qu'aurait-il fait s'il n'avait pas commis une méprise ? C'est ce que nous ne bornerons à présumer. Enfin, que me conseillez-vous, Monsieur Holmes ? J'aurais grande envie de voir votre pensionnaire, Mrs. Warren. Comment faire, à moins de forcer sa porte ? Chaque fois que je redescends après lui avoir laissé le plateau, je l'entends qui s'enferme à clé. Il est bien obligé de prendre le plateau. Nous pourrions, en nous cachant, apercevoir sa figure. La logeuse réfléchit. Voilà, monsieur. Il y a vis-à-vis de sa chambre un cabinet de débarras. Je n'aurai qu'à y mettre un miroir de telle façon qu'en vous plaçant derrière la porte. Parfait, dit Holmes. Le docteur Watson et moi serons là en temps utile. Pour l'instant, Mrs. Warren, au revoir. À 12h30, nous abordions le seuil de la maison de Mrs. Warren, située presque à l'angle de Great Orme Street, qui est une étroite rue très passante sur le côté nord-est du British Museum. Cette haute bâtisse de briques jaunes commande Hall Street et ses constructions moins modestes. Holmes étouffa un petit rire en me désignant l'une d'elles, un immeuble de rapport qui accrochait l'œil par la manière dont il projetait ses appartements au-dessus de la voie publique. « Regardez donc, Watson, me dit-il, haute maison rouge à parements de pierre blanche. Voilà le poste des signaux. Nous savons l'endroit, nous savons le code, notre tâche devient simple. Il y a l'écriteau à louer sur cette fenêtre. L'appartement est donc vide. » Et le compère en a l'accès. Et maintenant, Mrs. Warren, j'ai tout préparé. Veuillez me suivre. Vous laisserez mes bottines sur le palier. Je vous installerai moi-même. Elle nous avait disposé une excellente cachette. Grâce au miroir, nous pouvions, assis dans l'ombre, surveiller distinctement la porte en face. Nous n'avions eu que le temps de prendre place et Mrs. Warren nous quittait à peine quand un lointain carillon nous avertit que notre mystérieux voisin venait de sonner. La logeuse apparut tout de suite avec le plateau, et l'ayant déposé sur une chaise derrière la porte close, elle redescendit à pas pesants. Blottis dans un coin, nous ne perdions pas de vue le miroir. Soudain, comme les pas de la logeuse cessaient de se faire entendre, la clé de la porte grinça, le loquet se souleva, et deux mains amaigries, tendues vers le plateau, l'enlevèrent de dessus la chaise. Un instant après, elles y replacèrent en hâte, et j'entrevis un visage de femme, un beau visage, et qui regardait avec épouvante l'étroite ouverture de notre réduit. Puis la porte se referma bruyamment. Holmes me tira par la manche, et nous redescendîmes à pas de loup. « J'en reviendrai ce soir, » dit-il à la logeuse impatiente, « mais avis Watson que nous discuterons mieux chez nous. » Et quand il eut réintégré les profondeurs de sa bergère, « Vous avez pu vous en convaincre, mes soupçons ne me trompaient pas. Il y a eu substitution de pensionnaire. » Ce que je n'aurais guère prévu, c'est que nous allions trouver une femme. Elle nous a vus. Elle a certainement vu quelque chose qui l'a effrayée. À présent, n'est-ce pas ? Les faits s'expliquent d'eux-mêmes. Un homme et une femme cherchent refuge à Londres contre un danger pressant et terrible. La rigueur de leurs précautions nous donne la mesure de ce danger. L'homme, ayant des obligations à remplir, ne veut laisser sa femme que dans une sécurité absolue. Problème malaisé à résoudre, et qu'il a pourtant résolu de façon si originale, si effective, que nul ne soupçonne la présence de sa femme, pas même la maîtresse du logis, où elle prend pension. Les caractères d'imprimerie dont elle se sert pour formuler par écrit ses demandes répondent, sans contredit, à la seule préoccupation de dissimuler son écriture, qui trahirait son sexe. L'homme ne peut se rapprocher de la femme sans guider vers elle ses ennemis. À défaut d'autres moyens pour communiquer avec elle, il utilise la petite correspondance d'un journal, c'est clair. Mais au fond de tout ça, qu'y a-t-il ? À coup sûr, il ne s'agit pas d'une banale aventure amoureuse. Vous avez vu la figure de la femme au premier symptôme de danger. Nous savons d'autre part l'attaque dirigée contre le maître de la maison et qui visait incontestablement le pensionnaire. De cette double alerte, comme de cette réclusion désespérée, nous pouvons conclure à une affaire de vie ou de mort. En outre, l'attaque contre M. Warren prouve que l'ennemi, quel qu'il soit, ignore lui-même la substitution d'une femme à un homme dans la chambre. Bien curieux, en vérité, Watson, et bien complexe. À quoi bon aller plus loin ? Quel profit en retirerez-vous ? Quel profit ? Mais Watson, c'est de l'art pour l'art. Je suppose que dans votre carrière de médecin, vous avez dû étudier certains cas sans espoir d'honoraires. Je trouve ici un de ces cas instructifs qu'on aime à élucider en dehors de tout calcul, ou matériel ou moral. Ce soir, nous aurons avancé d'un pas dans nos recherches. Au moment où nous retournâmes chez Mrs. Warren, un triste crépuscule d'hiver londonien tendait sur la ville son uniforme rideau de brume grise. Nous avions pris place au salon, dans le noir, et nous surveillions la rue quand, à une certaine hauteur, une lueur plus pâle traversa l'obscurité. « Quelqu'un marche vis-à-vis, » murmura Holmes, dont l'ardent et maigre visage se collait au carreau de la fenêtre. « Oui, j'aperçois son ombre. » « Le voici encore. Il tient une bougie. Il observe la maison où nous sommes. Il veut s'assurer que la femme est à son poste. Les signaux commencent. Notez-les, Watson, pour que nous puissions nous contrôler l'un l'autre. Un seul éclair. Cela signifie « Ah, sûrement. Voyons la suite. » « Combien avez-vous compté d'éclairs ?»« 20. Moi aussi. »« Cela nous donne T. Bon. »« Ah, T. C'est compréhensible. »« Un autre T. »« Sans doute le début d'un second mot. »« Voyons un peu. »« Tenta. Un arrêt. »« Ça ne peut pas être tout, Watson. »« Attentat. »« Ne présente aucun sens. »« A, T, T, U, N, T, A. En trois mots, pas davantage. » À moins que Théa ne soit les initiales d'un nom de personne. Mais cela recommence. Qu'est-ce à dire ? A-T-T-E ? Les mêmes lettres que tout à l'heure ? Bizarre, Watson, bizarre. Nouvel arrêt. A-T. Quoi, pour la troisième fois ? A-T-T-E-N, ta, attentat, trois fois ? Combien de temps cela va-t-il se répéter ? Non, il semble que ce soit fini. L'homme a quitté la fenêtre. « Que vous semble du message, Watson ?»« Que c'est un message chiffré, Holmes. » Soudain, un petit rire de mon compagnon m'annonça qu'il venait de comprendre. « Pas très obscur, le chiffre, » dit-il. « C'est parbleu de l'italien. »« La dessinance A marque qu'on s'adresse à une femme. »« Prenez garde, prenez garde, prenez garde. » Voilà ce que cela signifie. « Eh bien, Watson ?»« Eh bien, je crois que vous avez deviné. »« Sans aucun doute. » »« Il y a là une recommandation très instante. » Et que rend d'autant plus instante le fait d'être ainsi répété. Mais prendre garde à quoi ? Attendez, on revient à la fenêtre. En effet, derrière les vitres, nous aperçûmes de nouveau la silhouette confuse de l'homme ramassée sur lui-même et les éclairs de la petite flamme. Les signaux avaient repris, mais plus rapides, si rapides que nous avions peine à les suivre. Pericolo. Le sens de pericolo, Watson ? Danger, n'est-ce pas ? Oui, by Jove, c'est un signal de danger. Il se répète. Perry, hé là, qu'est-ce qui se passe ? La lumière venait de s'éteindre, le carré transparent de la fenêtre avait disparu, le troisième étage ne formait plus, sur la longueur de la façade, qu'une bande sombre entre les rangées d'appartements illuminés. D'où venait la brusque interruption des signaux ? Nous eûmes tous deux en même temps la même idée. Holmes bondit de la place où il se dissimulait près de la fenêtre. Les choses se gâtent, Watson, cria-t-il. Je flaire une intervention diabolique. Pourquoi une communication de ce genre s'interromprait-elle de cette manière? Peut-être devais-je prévenir Scotland Yard. Mais les circonstances nous pressent. Pas moyen de nous éloigner. Venez, Watson.